C'était samedi soir sur les ondes de CJSO à Sorel. J'entends ça tout bonnement. Gilles Péloquin, qu'on va parler demain, lance une bombe en mentionnant que Robert Val se joindrait à la Ligue nord-américaine et l'annonce serait faite d'ici un mois. En ligne, le maire de Robert Val s'avait côté pour savoir si, un, s'il a entendu parler de la nouvelle et de deux, si c'est vrai. Bon après-midi, Sabin. Oui, bonjour, M. Veilleux. Sabin, est-ce que c'est... on vient d'entendre les propos de Gilles Péloquin qui mentionne que ce serait annoncé d'ici un mois Robert Val dans la Ligue nord-américaine. Où en est rendu le dossier? Bien, moi, de mon côté, j'ai pas entendu la nouvelle comme telle là, sur en direct là, de M. Péloquin. Je vous dirais que de notre côté, ce qu'on a convenu au niveau du Conseil de ville, évidemment, c'est un projet qu'on aimerait voir le jour. Maintenant, il est clair que, comme dans tout autre type de projet, la ville est un facilitateur, hein, ben oui. Pas un promoteur corporatif. Donc, ce qu'on a convenu au niveau du Conseil de ville de Robertval, c'est que notre directeur des loisirs apporte le support nécessaire aux dirigeants de la Ligue pour cibler des éventuels investisseurs qui pourraient être intéressés à supporter financièrement la démarche. OK. Donc, mais présentement, on en est là. OK. Mais actuellement, est-ce que vous pouvez dire s'il y a des gens de Robertval impliqués? Parce que moi, je parle à beaucoup de monde à Robertval, des gens d'affaires ou encore des gens qui sont soit impliqués dans le hockey, soit impliqués dans le milieu des affaires. Il y a même des gens de la Chambre de commerce à qui je parle, là. Donc, ils disent, j'ai jamais entendu parler de ça, t'es le premier à me l'apprendre. Est-ce que vous savez s'il y a des gens de Robertval qui actuellement dans le dossier? Ben, je vous dirais que c'est quand même assez récent là, qu'on a donné l'orientation à nos permanents de travailler en collaboration avec M. Martel et avec les gouverneurs. Je sais qu'il y a des rencontres qui ont été planifiées, je sais qu'il y a des gens qui ont été rencontrés. Maintenant, j'ai pas de compte rendu là, exact de où s'en est de ce côté-là. Et là, bon, après avoir ciblé des gens d'affaires qui peuvent être intéressés, bien évidemment, ces gens-là vont être intéressés à rencontrer les représentants de la Ligue pour challenger, en fait, là, le cadre financier puis le système opérationnel de cette Ligue-là. Donc, moi, pour le moment, je sais qu'il y a des démarches qui sont en cours. J'ai pas eu de suivi particulier là, pour savoir s'en était rendu où, dans cette démarche-là de cibler des éventuels investisseurs. OK. Mais vous confirmez qu'il y a des investisseurs qui ont été approchés ou qui vont être approchés de Robertval et de l'extérieur de Robertval? Exact. OK. OK. Ouais. Donc, puis ce qu'on a convenu de faire avec M. Martel, c'est nous d'assurer l'accompagnement. Comme je vous dis, là, on est plus près de notre milieu. On sait qui pourrait éventuellement présenter des intérêts, qui a déjà gravité autour du hockey ou autour de d'activités d'affaires qui relèvent du loisir. Fait que c'est de la façon qu'on a conduit de le travailler jusqu'à présent. La première étape, c'était de voir avec la Ligue, c'était quoi le sérieux des deux parties. Puis il y avait aussi de voir au niveau des nouvelles installations de l'aréna, en faisabilité technique, c'est pas entendre de recevoir une équipe de ce type-là et de ce calibre-là. On sait que techniquement, avec l'infrastructure qu'on a, c'est faisable. Maintenant, est-ce qu'il y a des corporatifs intéressés à se lancer dans le projet? Ben, c'est ce qu'on va savoir. À la suite duquel, comme dans tout projet potentiel de développement économique pour notre milieu, nous, on aura à se positionner de Robertval sur quel type de support on peut apporter à ces gens-là s'ils nous demandent de l'aide. OK. Dites-moi, est-ce que le directeur des loisirs travaille, met beaucoup d'efforts dans ce dossier-là? Ben, il est en communication constante avec M. Martel. C'est deux M. Martel, dans le cas présent, là. Ouais. Il est en communication directe avec Richard Martel. Okay. Au besoin, il sera disponible. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Je me fais l'avocat du diable. Premièrement, je suis pas contre du tout parce que Dan Radio, ce serait une nouvelle incroyable pour Dan Radio Sport. Ça me donnerait beaucoup, beaucoup de pep à danradiosport.com parce que je couvre le secteur de Robert Val également dans le monde du sport. Mais je me fais l'avocat du diable puis je suis dans le milieu des affaires un peu puis je parle à des gens de Robert Val puis ils sont très sceptiques face à ça puis on parle de 250 000 de commandites par année. Ça vous fait du peur, vous? Parce que moi, je sais que la traversée internationale du lac Saint-Jean est une activité que les gens de Robertval tiennent vraiment. Puis ils ont de la misère à faire 200 000 par année. 250 000 année après année, ça vous fait du peur? Vous trouvez-tu, c'est-tu possible? Ben, c'est ça le travail qui est à faire présentement. Mais écoutez, de toute façon, je viens du milieu des affaires aussi. Ouais. Je peux même pas vous dire présentement, tu sais, j'ai pas vu d'état financier comparable d'un autre club. Fait que, mais assurément, si j'étais sollicité moi pour investir dans une démarche comme ça, ben, je veux dire, j'essayerais de voir les autres clubs dans quel cadre financier ils réussissent à arriver, puis je commencerais par faire une analyse comparative. Donc, maintenant là, j'agis pas comme banquier, puis j'agis pas comme propriétaire de ma boîte de management stratégique, j'agis comme maire. Donc les gens d'affaires sérieux qui ont déjà réussi, ils savent comment s'y prendre pour évaluer le potentiel financier d'un projet. Mais il y a d'autres équipes ailleurs. Donc mais ça, vous êtes conscient que c'est beaucoup plus cher en région, là. C'est beaucoup plus cher. Ce qui se dit à Saint-Georges-de-Beauce, puis opérer une franchise à Robertval, puis opérer une franchise à Saint-Georges-de-Beauce, c'est pas le même prix, là. Ça, vous êtes conscient de ça, M. Côté? Oui, tout à fait. Comme faire un kilomètre d'asphalte à Robertval, ça coûte pas le même prix que faire un kilomètre d'asphalte à Montréal. Ouais, ouais. Puis on se bat quand même avec le MTQ pour réussir à avoir une pondération adéquate de notre financement, puis on l'a toujours pas, mais les villes sont toujours pas en banqueroute encore. OK, OK. C'est pour ça que je vous dis que les gens d'affaires vont faire leur travail. Maintenant, je suis d'accord avec vous, mais c'est ça le sport, hein. Ben oui. Vous savez que vous êtes là-dedans encore plus que moi, là. Ça polarise beaucoup. Ah ouais, ça c'est clair. Il y a des gens qui s'animent beaucoup, puis il y a des gens qui trouvent que c'est complètement loufoque, puis hurluberlu, mais... C'est permis d'envisager des alternatives, je pense, pour essayer de mettre en valeur un pareil infrastructure comme l'aréna qu'on a présentement. Tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que si elle voit le jour, cette équipe-là, ça va être l'équipe du comté. Ce sera pas juste l'équipe de Robertval. Il faut la voir comme l'équipe du comté. Ah, ben j'ai d'ores et déjà sensibilisé mes partenaires... à la MRC que je souhaitais que ce soit une équipe effectivement territoriale. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que, de toute façon, les amateurs de hockey de la Gauchette, de Saint-François, de Chambord, de Saint-Édouard, de Saint-Prime, de Saint-Félicien, ils vont s'en venir à Robertval pour... Même de Dolbeau. Même de Dolbeau, c'est signé. Même de Dolbeau, ben oui, effectivement. Oui, OK. Fait que, je la vois aussi, moi, territoriale. Quand j'en ai parlé... au permanent de la MRC, ben je veux dire la réponse que j'ai c'est qu'on nous dépose un projet concret puis on va l'analyser à sa juste valeur. Mais vous savez, M. Veilleux, on le sait, nous, comment ça nous coûte supporter la traversée du lac, on sait comment ça nous coûte supporter le village sur glace. Les bonnes, vous le savez, comment ça y coûte supporter les régates. Après, ben comme ville, ben on évalue les retombées économiques relative à un projet donné, puis on fait une analyse comparative par rapport aux autres efforts financiers qu'on fait dans d'autres projets, puis on prend des décisions sensées au bénéfice de la population. Hein. C'est clair. Donc, quand Gilles Péloquin dit « d'ici un mois, ça va être annoncé », je sais que c'est un journaliste qui est très branché, là. Qui est très branché sur le commissaire Richard Martel, vous êtes en mesure de dire que c'est possible? Ah ben, je ne sais pas, je suis pas dans la démarche de pas dans la démarche de recrutement d'investisseurs. Okay. Il y a peut-être un meilleur pipeline que moi là, au niveau de l'information. OK. Mais vous confirmez effectivement qu'il y a des démarches qui sont adoptées de trouver des investisseurs. Ben oui, puis c'est la façon de okay. faire, là, je veux dire. À ma connaissance, je veux dire, dans les autres marchés, Thetford, Jonquière, c'est des corporatifs là, qui opèrent les clubs. Là, donc nous, on veut recevoir un club corporatif.